Le mariage de Roland. Ils se battent. Combat terrible. Corps à corps. Voilà déjà longtemps que leurs chevaux sont morts. Ils sont là, seuls, tous deux, dans une île du Rhône. Le fleuve, en grand bruit, roule un flot rapide et jaune. Le vent trempe en sifflant les brins d'herbe dans l'eau. L'archange Saint-Michel attaquant Apollo ne ferait pas un choc plus étrange et plus sombre. Déjà, bien avant l'aube, il combattait dans l'ombre. Qui, cette nuit, eût vu s'habiller ses barons, avant que la visière eût dérobé leur front, eût vu deux pages blonds, roses comme des filles. Hier, c'étaient deux enfants riant à leur famille, beaux, charmants. Aujourd'hui, sur ce fatal terrain, c'est le duel effrayant de deux spectres d'airain, deux fantômes auxquels le démon prête une âme, deux masques dont les trous laissent voir de la flamme. Ils luttent. Noirs, muets, furieux, acharnés. Les bateliers pensifs qui les ont amenés ont raison d'avoir peur et de fuir dans la plaine, et d'oser, de bien loin, les épier à peine. Car de ces deux enfants, qu'on regarde en tremblant, l'un s'appelle Olivier, et l'autre un nom Roland. Et depuis qu'ils sont là, sombres, ardents, farouches, un mot n'est pas encore sorti de ces deux bouches. Olivier, sire de Vienne et comte sous Douvrin, a pour père Gérard et pour aïeul Garin. Il fut, pour ce combat, habillé par son père. Sur sa targe, est sculpté Bacchus faisant la guerre aux Normands, Roland ivre et Rouen consterné, et les dieux souriants, par des trigues traînées, chassant, buveurs de vin, tous ces buveurs de cidre. Son casque est enfoui sous les ailes d'une hydre. Il porte le hauberk que portait Salomon. Son estoc resplendit comme l'œil d'un démon. Il y grava son nom, afin qu'on s'en souvienne. Au moment du départ, l'archevêque de Vienne a béni son cimier de prince féodal.